بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. طيب، ما هو الاسم طوضي؟ طوضي، لا signification qu'il a connu c'est fatouan tu vois le fer il y a de là il y a de là maintenant il y a de là maintenant à la chaîne je t'ai raqué à la même à la calam que ça veut dire ça on va faire la comparaison entre deux choses c'est cette description là cette sifa C'est-à-dire, les deux sont quoi ? Se sont associés dans quoi ? Une description. Cette description, elle est quoi ? Toi, t'étais pas là, t'as vu ? On a dit, elle pouvait être quoi ? Complimentée, comme elle peut être blâmée. Mais faut maintenant, on peut dire quoi ? Zayd a'lam min Umar. Ah, on a quelque chose de blâmable ? Serrez-vous les freins, serre-toi comme ça. Comme ça, on joue. Mets-toi comme ça, s'il te plaît. Hein? En arabe, Zayd, Ajhal, Min Umar. Taïb, Inch'Allah. Adi, Madmoum. Taïb. L'ism Tafdel, ça veut dire, on a dit quoi? La comparaison, Taïb. Comment on forme l'ism Tafdel? Là, on n'a pas dit ça. C'est autre chose. On a... Il y a des choses, des conditions. Ça va venir. C'est un verbe à trois lettres. Verbe à trois lettres, taïb. Là, chacun son tour. Verbe à trois lettres, ça fait sortir quoi ? Le fi'l al-ruba'i, wa al-khumasi, wa sudasi. Wa aydan ? Sous la forme. Et ça, c'est comment on le forme. Sinon. Il y a au niveau de des barakallahu fikoum des shurut on avait j'avais pas cité al-fa'l. Ils ne sont pas à partir des verbes effectués. Très bien. Ça veut dire il peut pas être, ça veut dire quoi on a dit la boîte n'est qu'un mutasarrif. Ça fait sortir quoi ça al-fi'l al-jamid. طيب comme quoi jamid. C'est quoi un fi'l jamid? Un exemple. Laysa. طيب également ça va donner quoi faire le thulathi ou la boude d'un mutasarrif c'est à dire quoi c'est à dire qu'il accepte de il a les trois temps également la comparaison ahsant c'est à dire par exemple une chose qui n'accepte pas un verbe qui n'accepte pas la comparaison là le verbe en lui-même mata il faut même qu'il t'aqul zayd amwat طيب ça vous le verrez plus tard. Et si maintenant quelque chose qui n'accepte pas en lui-même la comparaison, tu lui ramèneras quelque chose. Foumahada Barakallahu fik. Également, il y a Bilal. Moutbad, ça veut dire quoi ça? Ça fait sortir le nafi. Taïb. Également. Non, il restait un. On avait parlé de tam. C'est-à-dire qu'il n'est pas naqs. Souvenez-vous. Par exemple, kana, on avait dit qu'on ne pouvait pas le faire. Hey, faire le tam. Barakallahu fikoum. Taïb. Une question là. Combien de détails là, Ism Tafdil Kamel ? Il y en a 4, mais on en a vu 2. On en a vu 2, si disons 1. Celui que tu connais. Donc le premier, il n'aura pas Alif Wallam. Il ne sera pas Moudaf, il n'aura pas de Moudaf Ilay. C'est-à-dire celui qui n'a pas d'Alif Wallam et qui n'y aura pas d'Idafa. Alors ce sera quoi son hukm? Mufrad. Très bien. Ifrad ou tadkir? Mufrad. Ou tadkir? Ou tadkir, c'est-à-dire il sera singulier, masculin, fi jami' ahwali, dans tous les états. Taïb. Au fond. 2000. Très bien, un exemple. Zaydoun. Zaydoun. A'lam. Min Omar, par exemple. Très bien. Zaydoun. A'lam. Min Omar. Me fous ma'ada. Andek, le deuxième, c'était quoi? Andek, Asami. Non, le deuxième, c'était. Moudaf ila Nakira. Très bien. Idafatu ila Nakira. Dans ce cas-là, il sera comment le ism tafdil? Il sera Mufrad Mufakkar. Non. C'est-à-dire Mufrad ou Tadkir. Mais il y a une chose en plus, c'est quoi? Il n'y aura pas 1000 après. Il n'y aura pas 2000. Mais faut, Inch'Allah. Hein, le dars, il est facile, mais sauf, il faut apprendre ces deux cas-là. Très bien, Inch'Allah. C'est ce qu'on avait vu, c'est tout, hein? Non, alaykoum salam. On avait aussi fait Bala. Anta min al-Hind, tu parles, tu réponds en... réellement. Quelqu'un vient vers toi et te dit Anta min al-Hind, alaysa kadhalik. C'est-à-dire quoi, Naam? Je suis pas de l'Inde. C'est ça? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on dira là? Si quelqu'un, par exemple, on lui dit, si lui, il n'est pas de l'Inde, est-ce qu'il va dire Naam? Non. Si tu dis na'am, ça veut dire quoi? C'est que tu confirmes la négation. Alors tu diras quoi? Bala. Bala, lastu minan min al-Hind. Apprenez ça par cœur, c'est mieux. Si je te dis Mohamed, par exemple, barakallahu fik, alam ta'akul, qu'est-ce que tu diras? Bala. Ça veut dire quoi, bala, ici? C'est-à-dire, oui, certes, j'ai mangé. Oui, mais si tu n'aurais pas mangé. Naam, lam akul. Tayyib, Inch'Allah. Comment on dit planète, étoile, astre? Planète? Non. On ferme les livres, là, les frères. Hein. Comment? Non, c'est-à-dire ce mot-là. De temps en temps, un mot, il a plusieurs traductions. Astre, étoile. C'est Kawkaboun. Kawkaboun, Waljem. Kawakib. Tayyib, comment on dit un dortoir, chambre? Waljam, très bien. Groupe, équipe. Quoi? Andek? Naam. Frère Germain. Naam. Prix. Thamanoun. L'univers, le monde. Ah, la monde, très bien. Célèbre. Shahir. Shahir. Le mois. Shahurun. Ou Ashhur. Très bien. Joueur. Laiboun. Il pluriel. Laiboun. En songe, rêve. Manam. Film Manam, très bien. Et l'école ici, c'était l'Azhar. T'as. On avait vu que ça. Hein. C'était quoi les... Je vais poser une question. Sur Ism Tafdil. On dit Ism Tafdil, on dit Yokhab min al-Fi'al. Non, on a dit ça, c'était Ertilef l'Ibarat. C'est-à-dire, certains disent Af'al Tafdil, Ism Tafdil. On avait dit quoi également? Il est sous la forme de Af'al. Hein, vous vous souvenez de ça? Taïb, Af'al. Tu peux expliquer Mouthbat, c'est quoi? Mouthbat, c'est-à-dire, il est positif le verbe. Tu diras pas quoi, Barakallahu Fik, par exemple. Zaydoun a'lamu min Omar. Tu dis pas Zaydoun ma a'lamu. Mufhoum, hada ma'na muthbat. La taqul Zaydoun ma a'lamu. Mufhoum, hada ma'na muthbat. Qui a pas compris quelque chose du ism tafdil? Faut pas avoir honte, les frères. Monsieur le matin. Inch'Allah. Vas-y, t'faddal. Fi'al mata. Fi'al mata. Fi'al mata. Mourir. Taïb, on va répéter. Le frère demande ma ma'na muthbat. Ça, parmi les chorots du ism tafdil, an yakun al fi'al muthbat. Ma'na positif. Quand je vous dis barakallahu fikoum, Zayd a'lam min Omar, c'est quoi ça? Moutbet. Al moutbet ma ma'ana. C'est-à-dire que c'est pas négatif. Zaydun dahaba ila al masjid. Il est parti ou il n'est pas parti? Hada ma'ana moutbet. Ma dahaba manfi. Mufhoum? Amma mata wal fi'l. C'est-à-dire quoi? Mourir. Tu ne peux pas dire Zayd amat min Omar. Mufhoum hada? Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une mort. Mais il y a plusieurs manières de mourir. Me font mahada ? C'est compris ça ? Non. Aussi sur le quand c'est mudaf mudaf ilayhi. On a dit que dernier avec le ism tafdil. Non. Quand il a mudaf ilayhi. Ce mot d'affilé, il sera là. C'est ça. Oui, non, ça c'est ça. À la base, on a, ça, c'est la règle qu'on connaît. Ah, d'abord, ça. Et ça, c'est pour qui quand il est d'Aka. Yani Mohamed, comme par exemple, Mohamedoun, je veux dire, Moufarad. Mohamedoun, Ahsan ou Talibin, il fait Farsi. Si maintenant Mohamedoun, c'est un djem, ce sera la même règle. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Non. Si Mohamedoun c'était un. On aurait dit que. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Taïb. Toi, si Allah ibarik fik, si tu mets un jam, automatiquement tu le compares à quoi? Un jam. Moi j'ai compris où tu veux en venir. Par exemple, là on aurait dit Al-Muslimoun Afdal min Al-Kuffar. Voilà, tu ne vas pas dire Al-Muslimoun Afdal min Omar. Tu peux dire, mais si toi, il n'y a pas de mal, on a dit quoi? On a dit dans les deux surahs qu'on vient de voir là, barakallahu fik, le ism tafdil, quel que soit. C'est-à-dire, fi jami' ahwalihi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans tous ses états, il sera singulier, masculin. Al-muslimuna afdal min al-kuffar. Hada la shaykh. Vous avez compris là? T'as compris? An-nisa, par exemple, al-muslimatu afdal min al-kafirat. Mais faut maintenant, là c'est quoi? C'est un pluriel. Pourquoi? Parce que on est resté dans la règle. C'est quoi? Si on a ism tafdil, qui est quoi? On a dit qu'il n'y a pas d'alif wa lam et qu'il n'y a pas d'izafa. Dans tous les états, il restera quoi? Singulier, masculin. Et après, tu fais quoi? Tu le fais le comparatif à quoi? À ce que tu veux. Mais plus tard, tu verras quoi, barakallahu fik? Certains ism tafdil, il y aura quoi? Il faudra qu'il suit. Là où wajhan. Et ça, vous le verrez, inshallah, plus tard. T'as qui avait une question, Fadal? Simplement par rapport au dernier coup, on avait rajouté qu'il y avait trois exceptions. Non. Comme c'est quoi les mots? Hab, char, wa khir. Voilà. Taïb, on avait dit, tu peux dire achar, ou khir. Zayd khir minhu. Mais faut m'aider. C'est quoi? C'est kotrat l'istimal et on enlève le hamza. Taïb. Oui, non, non. Voilà, ils sont féminins. Par exemple, Akbar, tu dis Kobra. Voilà. Tu vois, Afal. Mais après, dans les deux autres cas, vous le verrez, Inch'Allah. Tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire, attends. Taïb. C'est bon, t'as compris, Mohamed, le matin? T'as une question? Azman? Tu es clair? Tout le monde a compris? Ayman? Tout le monde a compris, Inch'Allah, le dars? Faddan. C'est quoi comme type de... C'est pour enlever la... Harf, ouais. C'est-à-dire, c'est pour dire, la... certes, oui, harf. Un kadam al-kur. Tu vois. Ça vient enlever la négation qu'on voulait dire. Tu vois. Alastu bi rabbikum. Tu aurais dit na'am... C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Tu aurais dit, naam, c'est-à-dire, oui, tu n'es pas notre Seigneur, sallallahu alayhi wa sallam. Mais faut, tu dis, bah là, oui, certes. Hada ma'ana. Très. Très, bismillah, naqra idana. Ad-dars al-rabi'u. Très, bismillah. La leçon 4, ya Abdullah. Comment? Al-Iskou, bi Rabbikoum, qui a dit, ma'abed. Naam. Tu mets dans le livre de Nahou, naam. أبا أوتا استعين بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي، كيف حالك؟ لعلك بخير. الحمد لله. أين أبوك يا إبراهيم؟ ذهب إلى السوق. Essayez de lever un peu la voix, comme ça tout le monde profite bien. أين أمك؟ ذهبت إلى خالتي زينب. Très bien. وأين إخوتك؟ وأين إخوتك؟ Après ذهبوا إلى الجامعة. وأين أخواتك؟ ذهبنا إلى المدرسة. نعم. مصيبة. نا أخواتك. أخواتك هي مسكولا، أخوات هي فيمينا. صافي تاتونسيون. ne pas confondre ces deux mots-là. Si elle alif, c'est du féminin. Naam. Suivant. Et naam, c'est ce qu'il a lu, le frère. Ouais, mais il y en a deux. Les phrases ont déjà avancé. Non, tout le monde a bien lu, là, je comprends. Celui qui a lu Aïna Khawatuka, c'est Ayman, c'est ça? Ah, d'accord. نعم اذا اما ذهبت الى المدرسه الى المدرسه اليوم بلا ذهبت ورجعت بعد الحصه الاولى نعم لماذا رجعت رجعت لانني مريض لانني يعني كسره لانني مريض خير لا باس أذهبت إلى الطبيب؟ نعم ذهبت. نعم. Des mots pas compris là? الحصة. الحصة, je crois, ça veut dire بعد ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى, ça veut dire après la première pause. Une fois, t'as regardé? J'ai regardé, mais ça avait rien à voir. Ah, ça avait rien à voir. Mais j'ai pas eu le temps de faire attention. Ouais, pour ça, un dictionnaire là. Je sais, quand en Égypte, ils appellent ça pour les cours. Ah, mais c'est une pause, une الحصة. الحصة, c'est pas sens de quoi? On regardera après ça. Je crois que c'est la pause. On l'avait créé un truc comme ça. Le hissa bad, le hissa loul. La sonnerie. La sonnerie, c'est le jaras. Taïb, bismillah. Taïb, bismillah, les frères. Le cours d'aujourd'hui, ça parle de quoi? On va commencer à rentrer, barakallahu fikoum, fi tasrif al-af'al. Taïb. On va commencer à rentrer dans quoi? الفعل ينقسم على ثلاثة أقسام الماضي والمضارع والأمر نعيد الماضي والمضارع والأمر c'est-à-dire on a le passé والمضارع c'est le futur après ça on le verra بحسب القرائن ça peut être un futur présent ou un futur lointain et après on a l'amr qui est quoi l'impératif مفهوم et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est الماضي مفهوم وتعرف الماضي بارك الله فيكم يقولون ما دل على معنى مقترن بزمن الماضي مفهوم سادير كوا جو ريبيت ما دل على معنى مقترن بزمن الماضي سير كون تو دي ذهب سي تو في اتونسيون ريغاردي بيان سا سينيفي كوا سا انديك اون شوز كي سي باسي كوا او باسي مفهوم سادير يا اون اكسيون بلوس كوا ان تان مفهوم هذا ذهب بوكو جو دي سا باسكو اون فيرا دون 3 بارك الله فيكم ميم دون 2 يا المصدر المصدر سي جوست كوا لاكسيون Mais Fomada, il n'y a pas de temps. Vous comprenez? Hein? C'est un temps. C'est comme quand tu rentres dans un bus, il y a quoi? Il y a écrit entrée et sortie. Est-ce qu'il y a un temps? Là, tu prends par exemple une pente, il y a montée et descente. Est-ce qu'il y a un temps? Là, ça c'est quoi? Ça s'appelle une action. Fomada ou al-Mazdar. Al-Mazdar, malahu zaman. C'est pour ça que al-Af'al, imma fil madi. إما في المستقبل إما ماذا الأمر vous avez compris quand tu dis à quelqu'un sort il y a un temps quand est-ce tout de suite après avoir parlé quand tu dis il a mangé il y a eu une action quand est-ce au passé si je te dis par exemple mange si tu veux c'est à dire quoi après avoir parlé mange ou après par exemple saufa akul saufa ou sa akul c'est à dire dans un temps un peu lointain saufa plus lointain me faut mal alors que le masdar c'est quoi c'est juste l'action me faut mal Je viens de le dire. Monter, descendre. Oui, mais une phrase. C'est ça une action. D'ailleurs, faut pas vous compliquer la vie, les frères. El Masdar, c'est quoi Allah Ibarik Fik ? Ça veut dire, c'est juste l'action. C'est ça l'action, l'exemple, Abdallah. T'as pas compris ? Non. Une phrase, par exemple. Non, est-ce que t'as pas compris ? C'est ça que je veux savoir. Si, j'ai compris. Moi. Ah, voilà, tu vois, t'as compris. Voilà. Faut pas dire t'as pas compris, t'as compris Allah. Et ouais. طيب quand tu rentres, je t'ai dit, dans un bus, il y a écrit entrée et sortie. Ça veut dire quoi, ça? C'est une action. Ça veut dire quoi? Entrée, sortie. Est-ce qu'il y a un temps? Juste un aussi. Hada. Maintenant, tu dis, ad-dukhul min huna. Wal-khuruj min hunak. Hada wa. Ad-tulu' min huna. Wal-nuzul min hunak. Hada wa. Par exemple, tu rentres à la mosquée, tu te dis, ad-dukhul min huna. Wal-khuruj min hunak. Tout ça, c'est quoi? Masadir. Il faut maintenant, inshallah. Taïb. Il fait le mardi. Ça veut dire quoi, barakallahu fikoum? Ça, c'est un temps au passé. Taïb. Wa alamatuhu, on en avait parlé. Qui se souvient? Comment on peut reconnaître le fait le mardi? Le temps. Ta, mada, quel temps? Ta'anith. Hein, on avait dit que c'était un des signes, si ce n'est pas le signe le plus fort. Tu dis dahabat. Automatiquement, tu sais que c'est un verbe au mardi. Al-mudhara, il n'y aura pas le signe de quoi? De ta'anith. Ni l'amr. Tu ne diras pas, par exemple, idhabat. Ou Zainabou tadhabat. Là, c'est un khatar. Ta'anith min alamat al-mardi, khas. Tout le monde a compris ça? Si devant toi tu vois un verbe dahabat, akalat, kharajat, namat, sache c'est quoi? C'est un verbe mardi et c'est quoi? Un sujet qui demande du féminin. Mais faut mahada? Automatiquement, si tu vois dahabat, soit il est précédé de quoi? D'un féminin. Tu diras par exemple Zainabou dahabat. Ou dahabat Zainabou. Mais faut, et après on va voir le reste de quoi? Comme dahabtu, dahabta, dahabti et l'akhir. هذه ايضا من علامات الفعل الماضي طيب ان شاء الله انا ريبيت ان شاء الله on a dit quoi que le fi'l il a quoi imma al madi imma al mudari' wa imma al amr et ce qui nous concerne aujourd'hui c'est quoi al madi wa alamatuhu on a dit quoi at ta ta'anith مفهوم هذا c'est compris ça et quand il y a un ta ta'anith automatiquement le sujet ce sera quoi ya Mohamed ce sera féminin مفهوم هذا tu diras pas dhahabat محمد هذا خطأ طيب إن شاء الله كل مدى كمبري جسكيسي إن شاء الله سيبا ديفيسي إنو ما تخلي إكس فيرب لا ذهب طيب on va le conjuguer tous ensemble طيب si c'est moi qui dis par exemple j'ai fait l'action de partir je dirais quoi ذهبت مفهوم هذا par exemple si nous tous on dirait quoi ذهبنا مفهوم هذا إذن ذهبت لمن مفرد المتكلم مفهوم مفرد المتكلم سواء يكون مذكر أو مؤنث. C'est-à-dire un garçon dit ذهبتو, une fille dit ذهبتو. Même la fille dit ذهبتو. Mais فهم, un groupe de frères dit quoi? Est-ce que pour les femmes? Comment? Est-ce que pour les femmes? J'ai pas compris. C'est féminin. Répète Allah. C'est vas-y. تأنيث. C'est que féminin. Eh non. تأنيث c'est féminin. J'ai pas compris ça. Non moi j'ai. Qu'est-ce que tu as compris, Azman? Non, je n'ai pas compris ça. Par rapport au Astana. C'est-à-dire, là, c'est quoi l'ishkal là? C'est quand j'ai dit d'Ahabtu ou? Par rapport à le reconnaître. C'est que c'est ce qu'on juge avec. On juge avec le ta'anith, min alamat al-fi'l al-mardi. C'est-à-dire, devant toi, tu lis quelque chose, Allah Hafadak. Tu vois, par exemple, kharajat. Par exemple, toi, tu es quelqu'un, tu es nouveau dans la langue arabe, tu vois kharajat Zainab. Tu ne connais pas ce prénom. Si tu as appris ce dars là, automatiquement, tu sauras que quoi? Que Zainab, c'est quoi? C'est quoi? Vas-y, réponds. Voilà, c'est féminin. Et c'est quoi qui t'a permis de savoir? C'est le ta'anith. Mais faut ma'ada? Vous comprenez c'est quoi une alama? C'est un signe qui t'a permis de savoir quoi? Que c'est un sujet au féminin. Tout le monde a compris? T'as compris, l'arithmane? Bien ou... Hein? Taïb. Je peux dire kharajat zaidoun? Limada? Ta'anith. Ça veut dire quoi? Ça demande quoi? Du féminin. C'est compris ça, Inch'Allah? Barakallahu fik. On revient, Inch'Allah. Même si vous n'avez pas compris, laissez-moi pas avancer. Comme ça, après, on ne revient pas. Taïb, on reconjugue le verbe. Allah ybarak fikoum. Taïb, on a dit quoi? Al-mutakallim. Dhahabtu. Tout le monde y est? Ça, c'est pour les garçons, spécialement pour les filles? Dhahabtu. Non. Pour les deux. Mufrad. Vaut. Mudakar. Ou mu'annath. Taïb. Hada. Al-jam' al-an. Kif naqul? Dhahabna. Mudakar. Ou mu'annath. Ou al-mukhatab. Si je veux dire à un frère, il est parti, je dirais quoi? Anta, dhabta. Me foum? Si c'est une sœur, anti, dhabti. Tout le monde a compris? Si c'est un groupe de frères, antum, dhabtum. Si c'est un groupe de sœurs, antunna, dhabtunna. Tout ça, c'est quoi? Du pluriel. Et si ce sont deux frères? Dhabtuma. Dhabtuma. Et si ce sont deux sœurs? Dhabtuma, la même chose. Mais Fum Inch'Allah, tout le monde a compris ça? C'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, les personnes sont face à nous. Tout le monde a compris? Et là, on va faire quoi? Al-Ghaib. Des personnes non présentes. Si une personne au singulier, c'est un frère, on parle de lui. Tu nous dis qu'il est parti. Zayd Dahaba. Tout le monde a compris là? Maintenant, il est où le sujet ici? Il est mustatir, ça veut dire quoi? En quelque sorte, il est caché. Mais Fumada, ça veut dire quoi? Zaydun Dahaba, men Zayd Houa. Mais Fumada, Inch'Allah. Alors que les autres, tout ce qu'on venait de dire, c'était quoi? C'était jouant. Dahabtu. Le tout ici, il est quoi? Fa'al. Vous avez compris? C'est compris ça? Quand je dis au frère, Anta Dahabta, Ain al Fa'al. Ta. Vous avez compris ça? Dahabtum. Tum. Dahabtunna. Taïb, Dahabtuma, il a akhir. Alors que Dahaba, c'est où il est ici le sujet? Il est moustaté. Houa. Moufoumada? Après, là, faites-moi rappeler, je vais vous donner une différence par rapport à la langue française pour que vous compreniez, Inch'Allah. Taïb, si c'est une sœur. Dahab. Hein? Attends, un instant, les frères. Taïb. Hein? Ça, on a parlé de Dahab. Dahaba, il l'a dit, c'est un frère qui est parti. Andek? Dahabat. Et le ta ici, c'est le sujet. C'est ça? C'est quoi alors? Bon, si c'est pas le sujet, c'est quoi là? Tout verbe, il lui faut quoi, on a dit les frères? Un sujet, c'est vrai. Quand j'ai dit Dahab, tout, il est où le sujet ici? Tout. Alors Dahabat, il est où? Alors ce sera quoi? Hiya, ahsant. Mais faut le ta ici, regardez, faites attention. C'est pas le ta de Dahabtu, Dahabti, Dahabtum, Dahabtunna. Huna ta ta'anith. Alamat mada ta'anith. Ça veut dire quoi? Ça demande un sujet féminin. Osman, c'est compris ça? T'as compris? Ça c'est important ça. Si tu fais l'i'arab, tu diras pas Dahabat. Dahab fi'l. Ta fa'al. Hada khata. Mais fom, tu diras quoi? Ta ta'anith min alamat fi'l al-madi. Aïn el fa'al, imam mustatir, me fom, ou sinon il suit. Tu diras Dahabat Aminatu. Aminatu fa'al. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Il nous reste quoi encore? Ah voilà, ici on parle d'un groupe de frères. Zahabou. Me fom, Zahabou, on met le waou et on lui met un alif. T'as vu, ce alif il se prononce pas. Taïb, Inch'Allah, ça ressemble à quoi ce alif? On en a parlé il y a quelques jours. On a dit il y a des choses qui s'écrivent et qui ne se prononcent pas. Comme mi'a, comme le sang. Vous vous souvenez? Tu dis pas mi'a, là. Et si c'était un groupe de sœurs, on dirait quoi? Dahabna. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Taïb. Là aussi, le sujet, les moustafés. Là, là, Dahabou, c'est le waou ici. Ouais, c'est le waou. Taïb. Maintenant qu'il y a Taïb, si c'est toi qui pars, tu diras toujours avec Dahab. Dahabtu. Taïb, si c'est une sœur qui part, c'est elle qui parle. Elle nous informe, elle dit Dahabtu. Très bien. Si c'est nous tous, tu diras quoi? Dahabna. Dahabna. Ça, c'est un groupe de frères. Si c'est un groupe de sœurs, si c'est un groupe de sœurs, Osman. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit le frère Mohamed? Ouais, parce que je sais que t'es pas avec nous. Sois avec nous, Mohamed, Othman. Ah, concentrez-vous, Allah, avec Fikoum. Ouais, que ce soit lui qui le dit. C'est-à-dire, là, il informe qu'on est parti. Dahabna. Si c'est un groupe de sœurs qui dit. La même chose. Vas-y, elles disent quoi? Dahabna. Très bien. Ça, c'est quoi, Al-Mutakallim? Taïb. Tu dis à des frères, vous êtes partis. Tu diras quoi? Dahabtum. Très bien. Tu dis à un frère, t'es parti. Ah, t'es parti, t'es. Le Hakim. Ah, calme. Ah, prends le français, c'est votre langue, comme on dit. Taïb, Dahabta. Si tu dis à une sœur, Dahabti. Si tu dis à un groupe de sœurs, Dahabtuna. Si tu dis ça à deux frères, c'est toujours dans la même chose, hein. C'est pour ça que je ne répète pas. Hein? Dahabtuma. Taïb, ce sont deux filles, pareil. Dahabtuma, il manquerait un. Hein? Et ça, tout ça, c'est quoi? Al-Mukhatab. Et on a dit le groupe de filles. Abtouna, oui, il l'a dit. Taïb, Al-Ghaib, un frère qui, tu nous informes, il est parti, tu diras Dahaba. Et si c'est une sœur Dahaba. Si c'est deux frères, ça on ne l'a pas fait, ça vous ne l'avez pas dit, voilà. Dira Dahaba. Mais vous, on prolongera. Non, je ne l'ai pas dit, je crois, j'ai oublié. Deux frères qui sont partis, on informe sur eux. Dahaba. Mais vous, et si c'est deux sœurs Dahabata. C'est rien, pas de mal, c'est nouveau pour vous. Taïb. Dahaba, tu prononces le alif. Voilà. Et Dahabata, tu mets un ta et tu prononces. Dahaba. Dahaba, pas Dahaba. Là. Tu prononces le ba, pas le zal. Voilà. Taïb, si c'est un groupe de frères qui est parti, tu nous informes sur eux. Tu dis al-Muslimouna. Dahabou. Et la Mecca. Très bien, si c'est un groupe de sœurs. Al-Muslimat ou Dabna et la Mecca. Mais faut m'aider. Tout le monde a compris là, Inch'Allah. Qui a pas compris la conjugaison du verbe là? Tout le monde a compris, Inch'Allah. Non, quoi? C'est pour le raï, deux personnes qui sont là. Le faï, c'est le alif. Mais non, alif. Ça veut dire ici, le faï, il sera pas présent où, Barakallahu Fekou? Ce sera le singulier de quoi? Masculin et le quoi? Singulier, féminin. Mais bon, tout le monde a compris ça, Inch'Allah. Et sachez quoi? Que dans la langue arabe, il n'y a pas d'infinitif. C'est qui sait ça dire quoi l'infinitif? Qui me donne un verbe à l'infinitif en français? Manger. Mais faut, manger, il n'est pas conjugué là. Vous comprenez ça ou non? Manger. Tu viens à quelqu'un, tu dis manger. Même un manger. Là. Mais bon, alors que dans la langue arabe, on prend directement l'exemple à la troisième personne, dahaba. Vous avez compris ça? Quand tu veux utiliser un verbe dans la langue arabe, il est toujours à quoi? À la troisième personne. Mufoum, al-ghaib. Mufoum, tu diras quoi? Dahaba, il est parti. Vous avez compris ça? Ça, je vous le dis, au cas où si on vous pose la question. Dans la langue arabe, il n'y a pas d'infinitif. C'est-à-dire, tu ne dis pas, par exemple, il n'y a pas comme partir, manger, dormir. Mufoum, directement, on te donne le verbe mufrad, mudhakkar. Dahaba, akala, nama, la'iba, sakata, ila akhir. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Tu as compris, Abdelhakim? Ils sont mardi. Eh, non, c'est ça. C'est fou? Inch'Allah, j'espère que j'ai rien oublié. Pourquoi j'ai préféré vous faire ça? Comme ça, en lisant, vous allez comprendre tout seul, Bénin. Taïb? Il reste une chose, Inch'Allah, pour que vous compreniez bien l'exercice. Sachez que dans la langue arabe, on commence directement d'abord par le verbe. C'est compris ça? Ça ressemble un peu à quoi, comme on avait dit? Comme le mubtada. Al-mubtada, thumma, al-khabar. Et dan huna, al-fi'l, thumma, al-fa'al. Vous suivez ça, Inch'Allah? Al-fi'l, thumma, al-fa'al. Pourquoi je vous dis ça, c'est important? Si tu mets le verbe en début de phrase, on avait dit quoi? Le sujet derrière peut être singulier, duel ou pluriel. Mais Fumada, ça c'est important. C'est-à-dire ça, les frères, négligez pas les doloses de maintenant. Pourquoi? Ça, ce sera que de la révision après, plus tard. Inch'Allah, quand vous avez commencé à faire Al-Mumta' ou Al-Mutamima, ce sera la même chose, Bidnillah. Mais Fumada, c'est-à-dire celui qui comprend ça dès maintenant, après c'est quoi? Al-Muraja'a. Mais Fumada, ça sert à rien de négliger ça, alors que ça, vous le verrez quoi après dans l'Ajrumiya ou Al-Mutamima ou Al-Khatarnada. Mais Fumada, ça veut dire si tu mets le verbe dès le départ, tu peux dire Dahaba Zaydoun. Mais faut, c'est-à-dire tu vas dire Dahaba al-Waladou. Tout le monde a compris? Dahaba al-Waladani. Il y en a combien là? Deux. Dahaba al-Awladou. Mais faut, Mahada? Vous avez compris? Alors que si on met le nom dès le départ, le verbe va prendre compte. Al-Waladou, Dahaba. Mais faut, Mahada? Al-Waladani, on dira quoi? Dahaba al-Awladou, on dira quoi? Dahabou. C'est-à-dire, si vous avez bien compris ce dars, mashallah, aujourd'hui, vous avez compris beaucoup de choses. Comment conjuguer un verbe? Et moi, ce que je vous conseille, apprenez ce verbe-là par cœur. Et travaillez avec après. Celui qui aujourd'hui a bien compris dahaba, il prend n'importe quel verbe sous cette forme-là et il l'applique. Si je lui dis dahaba, et après, il me prend par exemple le verbe, je sais pas moi, qui lui ressemble, fa'ala. Si c'est toi qui as fait, tu diras quoi? Fa'altu. Fa'altu. Si c'est lui, tu diras anta. Fa'alta. Fa'alta. Vous avez compris ça? Dahabtu, fa'altu, ila akhir. Il faut madame? Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Taï. Je peux dire par exemple, al awladu dahaba ? Pourquoi ? Parce que le verbe il est après. C'est-à-dire le verbe doit suivre le nom qui le précède. Mais fumada ? C'est-à-dire al awladu, on dira ? Dahabu. Dahabu. Ici on dit al muslimatu, on dira ? Dahabna. Dahabna. Me fum ? On peut dire, il n'y a pas de mal de dire dahabat al muslimatu ? C'est faux. Pourquoi? Comment? A voix haute, Othman, il n'y a pas de mal. Parce que Dahabat, c'est Moufrad. C'est-à-dire, on aurait dû dire quoi? Muslimatoun. Ah ouais, le muslima. Qui est d'accord avec Abdel Hakim? Tu es d'accord avec le frère? Ça commence par un verbe. Non, ce que je viens de dire, est-ce que tu es d'accord? Je vais voir si tu suivais. Hein? T'es pas d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quoi le. Parce que quand c'est. Quand le verbe suit. Moi j'ai dit quoi comme phrase? Hein? Ce que t'as dit en premier? Ouais. J'ai dit Dahabat al-Muslimatu. Hakada. Le frère elle a dit c'est pas bon. C'est pas bon ce que j'ai dit, Abdel Hakim? C'est bon? Explique-lui pourquoi c'est bon alors. Ah ouais, Abdel Hakim, où est-ce que c'est féminin? Eh, t'as, il n'y a pas de mal. Parce que c'est-à-dire, dès que c'est féminin, on peut dire ça. On n'a pas dit, c'est une question de féminin. Taïb, je vais te donner du féminin. Al-Muslimatu Dahabat. C'est du féminin aussi, ça, non? C'est bon aussi? C'est-à-dire, toi, si tu l'expliques à un frère demain, tu dis c'est féminin. Al-Muslimatu Dahabat. C'est ça. C'est que c'est féminin. Hein? Qui est d'accord avec Othman? C'est bon ce que j'ai. Non. Moi ce que j'avais dit. C'est vrai, c'est bon. Dahabat al-Muslimatu. Parce que quand le Verbe. Le verbe il commence la phrase. Ouais. Le sujet on. Il peut être singulier. Singulier. Dual ou pluriel. Le forme. C'est pas une question de féminin. Féminin, il y a de l'importance, Abdel Hakim. On peut pas dire Dahab al-Muslimatu. Mais le fait d'avoir mis le verbe en début de phrase. Il n'y a pas de mal que le sujet soit singulier, dual ou pluriel. Mais moi, quand je te dis al-muslimatu dhahabat, c'était pourquoi? Pour appliquer ce que tu as dit. C'est du féminin, mais ça ne suffit pas. Tu as compris? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire là si on dit al-muslimatu dhahabna? Vous avez compris, Inch'Allah? Tout le monde a compris? On lit alors. Bismillah. On fait directement l'exercice grand 3. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي فعل الذهب وأسنده إلى الضمير مناسب. طيب ضع ما معنى ضع؟ C'est-à-dire c'est le verbe وضع, c'est mettre. Et ici c'est l'impératif. Hein, il te dit mais في الأماكن الخالية, c'est-à-dire dans les places vides, فيما يلي, dans ce qui suit le verbe ذهب. مفهوم؟ وأسنده إلى الضمير. الله أعلم, c'est-à-dire quoi? Il te dit après joins-le avec quoi? Avec un pronom qui lui convient. C'est compris ça, Inch'Allah? Tout le monde a compris la traduction de l'exercice? Taïb. Là devant nous on a quoi? Al awladu. Et on a le verbe dahaba. Bismillah. Al awladu dahabu ila al mal'abi. Ila al mal'abi. Très bien. Al awladu dahabu ila al mal'abi. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Taïb Mohamed. Vas-y fais le deuxième. Al talibatu. Al talibatu dahabna ila al madrasati. Très bien. Al talibatu dahabna ila al madrasati. Très bien, le mudarris dhahaba ila al-fasl. Le 4. Ana dhahabtu ila al-matar. Non, ana dhahabtu ila al-matar. Ma ma'na hada al-matar? La pluie? L'aéroport. Très bien. Taïb. Ourti. Abouat les frères. Je sais pas ourti. Da qui alors? نعم أختي ذهبت إلى المطبخ وسيفان très bien أين ذهبت أنت vous avez أنت c'est ça طيب صحيح الجمل الآتية il te demande de quoi l'exercice corrige ce qui suit les phrases suivantes صححة c'est le verbe corriger et là c'est نعم il t'a dit بارك الله فيك أين ذهبت أنت pour ça que j'ai demandé est-ce que c'est Anta. Vous m'avez dit oui, c'est ça. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas écrit Anta, tu aurais pu dire les deux. Aïna da'abti anti ou Aïna da'abta anta. Taïe, moi je lis, et si c'est bon, vous laissez comme il est. Si c'est faux, vous corrigez. Adhabtu ila al-mustashfa ya Muhammadou. Adhabta ila al-mustashfa ya Muhammadou. Très bien. Hein, la phrase ici, adhabta, et non pas adhabtu. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u min al-jami'a. C'est bon, hein, pourquoi? Et comment t'as su que c'était filmé là? Il est où le tatanit là? Fais nous voir là. Il n'y a même pas un tatanit dans toute la phrase là. Tu fais pas exprès, Mohamed? Hein, hein? Dis-moi où il y a un tal là, Allah. Fadak. Taïf, ça c'est le prénom. C'est-à-dire que le verbe il doit être féminin. Taïf, regarde le verbe alors. Non, on te demande de corriger le verbe, on ne te commande pas de corriger les prénoms. Le verbe c'est. Bon. C'est-à-dire comment, c'est comment t'as su que c'est du masculin là? Taïb, je vais te donner un verbe, il n'y a pas de tatanis. Aminatu wa Fatimatu wa Zainab, raja'na. C'est faux aussi? Il n'y a pas de tatanis. Pourquoi il est bon? Hein? Inch'Allah, tu ne fais pas exprès, Mohamed. Hein? C'est entre toi et Allah, ça. Taïb. Il est bon le verbe ou il est faux? Pourquoi? C'est du pluriel. Regarde, il y a trois sœurs. Amina, Fatima ou Zainab. Raja'ana. C'est un pluriel masculin, ça. Mais faux? Barakallahu fikoum. Tout le monde a compris l'erreur, là? Taïb. Zumala'i. Zahab. Ouais. Zumala'i zahaba ila Mecca. Dabou. Très bien, mashallah. Zumala'i zahabou ila Mecca. Aina raja'ta min al-Riyad ams. Aina, ana, afwan, barakallahu fikoum, les frères. Ana raja'ta min al-Riyad ams. Très bien, barakallahu fik. Ana raja'tu min al-Riyad ams. Maryam wa banatuha zahabat ila Jeddah. Naam. ذهبنا إلى جدة مريم وبناتها ذهبنا إلى جدة أمي قال أنا مريض أمي قالت أنا مريضة. Très bien, mashallah. C'est à dire là il fallait changer quoi ici? Le verbe et en même temps le khabar. Hein? أمي قالت أنا مريضة. Mashallah, c'est bien. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est tout le monde l'a compris là? Les mots? Il n'y a pas des mots à traduire? Malab, c'est l'endroit de. C'est le terrain de jeu. Et après, c'est à toi de te donner un mot d'affilé. Malab, le Kora, il a après. Mais sinon, le Malab en lui-même, c'est le terrain de jeu. Au fond, et ça, c'est un dors qui est intéressant, on le verra dans le 3, Inch'Allah. Ism el Makan, Ism el Zaman, comment on forme un endroit. Par exemple, là, ça, c'est quoi ça devant nous? Hein? Maktaba. Et c'est à partir de quoi? Kataba. C'est très simple. Mais faut Mahada? Vous avez compris ça? Voilà. Par exemple, comment on dit étudier? Qui c'est? Darasa. Et l'endroit où on étudie? Madrasa. Madrasa. C'est pas difficile, Inch'Allah. C'est un dars qui est très très bien. Inch'Allah. Taïb? Grand 5. Ajib anil as'il al-atiya bin nafi musta'minan al-ma. On répond aux questions suivantes en utilisant quoi? La négation ma. Taïb? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Aujourd'hui, on va apprendre quoi? La négation ma. طيب اذهبت الى المدرسه امس تجرا ما ذهبت احسن طيب pourquoi il faut dire ici ma dhahabtu inchallah on verra puis si tu fais rentrer le la tu seras obligé de répéter ça c'est au madi il faut mada c'est pour ça que tu dis pas la dhahabtu il faut mada c'est à dire si par exemple un frère il vient me dire Abdelrahman akalta aqul lahu la akaltu wa la sharibtu il faut mada c'est pour ça que tu utilises la particule quoi ma nafiya et non pas la. Tu as le droit de l'utiliser là, mais tu seras obligé de répéter. De répéter, c'est bien. Répéter là, deux verbes. Je répète, Inch'Allah. Concentrez-vous, les frères. Taïb. Là, le frère, par exemple, Sami, me dit Adahabta il al-Majid, akullahu mada, mada habtu. Mais faut mada? Mada habtu. Mais si j'aurais utilisé là, J'aurais dit par exemple la dhahabtu wa la zurtaha. En par exemple, on parle d'une madrasa. Hal dhahabta ila al madrasa? La dhahabtu wa la zurtaha. Zurtuha. Me foum? C'est quoi ça? J'allais dire, je l'ai même pas vu. C'est en quelque sorte. Me foum, madame? Tout le monde a compris, vas-y. Le fait d'utiliser les deux en même temps. Quels deux? Lam. Lam. Lam. Lam dhahabtu. Lam dhahabtu. Lam. Ouais. C'est correct ou... Oui, il n'y a pas de mal. C'est... Mais sinon, le la en lui-même, il peut suffire. Si je te dis à quel tal, là. Dans ce cas-là, dans ce que tu viens de nous expliquer, si je dis la madhabtu, après là, je suis obligé de tout réexpliquer. Non, ou... c'est pas pour tout réexpliquer. Ça, c'est quoi? C'est, si c'est de la manière là. De parler. Dans la langue arabe, ils disent Ida dakhalat la nafiya ala al-fi'l madhi, wajaba tikrar. T'es obligé. Par exemple, si je dis akalta, tu as dit madha. La akaltu wa la shariktu. Me fous madha? Mais toi. Tu dis, non, c'est pas une question de préciser la hédic. Ça, c'est le fait de c'est le, la manière de parler. T'as compris ça? Voilà. Mais si tu veux mettre la négation au fi'l madhi, qu'avec un seul verbe, tu utilises le ma. Qara'ta ma qara'tu. Me foum, qara'ta dars, la qara'tu wa la kataptu. Ça, on le verra, inshallah. Moi, je vous ai parlé de ça pour que vous compreniez, pour pas demain vous faites l'erreur avec le la. Le ma, c'est juste pourquoi? Pour s'arrêter au verbe directement. Voilà. Si je te dis hal qara'at ad-dars, tu me diras quoi? La qara'tuhu wa la kataptuhu. Voilà. Mais sinon, tu diras quoi? Ma qara'tu. Taïb, inshallah. Tout le monde a compris, inshallah? Taïb. Adhabta ila al-madrasati ams, tu diras ma dhahabtu. Taïb. Araja'a abuka min Baghdad. نعم ما رجع أبي من بغداد أذهبت أختك إلى المستشفى ما ذهبت أختي إلى المستشفى très bien إن شاء الله tout le monde a compris hein t'as compris Sami bien voilà si quelqu'un te dit est-ce que t'as lu le dars tu diras quoi ma ما قرأت ما قرأت voilà mais si tu veux reparler avec le la la قرأت ولا كتبت مفهوم هذا هذا tout le monde a compris كتبت Et tu rajoutes ce que tu veux du moment que tu mets au moins deux. Comment? Tu rajoutes ce que tu veux du moment que tu mets au moins deux. La règle de là, si tu l'utilises au mardi, tu es obligé de répéter. C'est deux fois le même. Pas deux fois le verbe. La qara'tu, la qara'tu. Là. Non, c'est-à-dire deux choses. Et la non, ça, tu vas ramener deux choses. Si je te dis t'as mangé, tu me dis j'ai ni mangé ni bu, par exemple. Là, c'est obligé. Mais fond, est-ce que t'as vu Mohamed? Je n'ai ni vu et ni rencontré. Mais fond, madame? Ah, calme. تأمل grand 6 إن شاء الله تأمل ما يلي لأن طيب يساوي là on a devant nous quoi اللام الجار qui est rentré dans quoi dans أن وأن من أخوات إن ماذا تعمل أحسنت طيب فإذا ما معنى أن من أخوات إن ça veut dire elle fait le même travail elle a le même sens aussi طيب Tufi de Tawkid. Mais la différence, barakallahu fikoum. Alaykoum salam. Alaykoum wa barakatuh. Je tourne. Mais la différence entre Inna et Anna, souvenez-vous, Inna, on a dit quoi? C'est en début de phrase. En début de phrase. Alors que Anna, elle sera précédée. Mais Foum, tu dis Inna Zaydan Marid. Tu dis pas Anna Zaydan Marid. Mais Foum, Hada. Par exemple, je te dis Limada Madhabti al-Majid. Tu as dit Madha. Ma dhabtu ila al-majid li'annani marid. Mais faut li'annani. Tu viens pas tu dis à quelqu'un li'annani akada là. Parce que li'anna ça sera un sens de quoi? De parce que. Mais faut la traduction ce sera cela. Parce que. Mais faut inchallah. Tout le monde a compris? C'est-à-dire inna wa anna c'est la même chose au niveau du amal et au niveau du sens. At-tawkid. Mais faut mais après plus tard vous verrez quoi? Ma'na al-masdar. طيب Alors là, on le fait. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Daoud? T'as compris? Abdelhakim? Toi, t'as pas fait Inna? T'as rattrapé les deux petits dors avec un frère. Si quelqu'un a, il fait ça, fils Abilillah, pour que le frère rattrape les deux premières leçons. T'as Alors là, on a quoi? Barakallahu fikoum. Li anna. Vous savez où? Li anna. T'as Par exemple, si le frère me demande. لماذا ما جاء زيد اليوم إلى المسجد أقول له ماذا لأنه مريض لأنه ذهب إلى صنعاء إلى آخر طيب لأن زائد هي نقول ماذا يساوي لأنها مفهوم هذا لأنها سي بور كي كمال مفرد مؤنث طيب لأن زائد أنت تقول لأنك طيب par exemple j'ai un frère أنت ما فهمت الدرس لأنك لم تراجع الدرس لأنك parce que tu ne révises pas مفهوم لأنك مفهوم هذا طيب رجع حامد من المدرسة لأنه مريض طيب رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة رجعت من المدرسة لأنني مريض إن شاء الله مفهومة محمد لأنني بلأني لأنني لأنني أو لأني مفهومك شد طيب غنسات اقرأ المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية بنعم أو بلى طيب أذهبت إلى المدرسة أمس تقول نعم ذهبت مفهوم هذا tout le monde a compris أذهبت إلى المدرسة أمس تقول نعم ذهبت et si tu n'étais pas parti tu diras quoi ما ذهبت sinon مفهوم ici tu peux dire ما ذهبت طيب البلا c'est pourquoi on a dit pour si c'est une négation ici il n'y a pas une négation أذهبت c'est de l'استفهام c'est de l'interrogation Daoud, on parle de la première. طيب. On a dit أذهبت إلى المدرسة. Si t'es parti, tu dis نعم ذهبت. Et si t'es pas parti, tu diras quoi? ما ذهبت. مفهوم هذا إن شاء الله. أما ذهبت إلى المدرسة أمس تقول ماذا؟ بلا ذهبت. مفهوم؟ Si, tu diras quoi? Si, sir, je suis parti. إن شاء الله, c'est le même درس qu'avant-hier, ça, إن شاء الله. T'as compris ça, Abdallah? Tout le monde a compris, Abdelhakim? Bien. طيب. طيب. أرجع أبوك من سوق. On est arrêté où? Ah, Mohamed, vas-y. نعم رجع. أرجع أبوك من سوق. Tu dirais quoi? نعم أبي رجع من سوق. À toi, Abdallah. أما رجع أبوك من سوق. Tu diras? بلى رجع. Très bien. أذهبت ليلى إلى الجامعة. نعم ذهبت. Daoud aujourd'hui est en Guadeloupe, je crois. Allah. Il dit. Naam, zahabat ila al-jami'a. Taïm. A toi, Daoud, vas-y, tfaddal. Ama zahaba akhouk ila al-Riyad, tu diras Bala. Bala, c'est dire quoi, Bala, ici Bien sûr. Bien sûr, quoi, il n'est pas parti. Ou il est parti? Il est parti. Il est pas parti. Là, il est parti. Il est parti? Ah bah ouais. Ama, c'est-à-dire si tu veux enlever la négation, tu dis bala. T'as compris, Daoud? Mais s'il n'était pas parti, tu aurais dit quoi? Naam, ma dhahaba. Tout le monde a compris le dernier là? T'as compris, Mabé, ça? Abdelhamid. Tout le monde l'a bien compris, Inch'Allah? Abdelmajid. Le dernier là. Ama dhahaba akhouk ila Riyad. Il n'est pas parti. Tu réponds comment? Il n'est pas parti? Ouais. Naam? Naam, quoi? Ma dhahaba. Mais s'il était parti? Bala. T'as bien, Inch'Allah? Barakallahu fikoum les frères. Taïb, demain on fait la leçon 5. Bienvenue. Ouais. Barakallahu fikoum. Ouais.